monte la tête. Moi j'ai des nerfs à vif et des vis qui débloquent. Quand il me tape sur le dos, je tourne comme une loque. Nous cherche la bête, nous mène en bateau. Qu'est-ce qu'on aura si ces convictions nous emmènent?